in die Fresse, unglaublich, auf den Aufmerksam, was du siehst, du am Morgen schau ich auf so schön, es ist viel mehr cool, als Geld macht so schön, es ist aber die sie viel nicht tragt, denn am Tag, was ich euch lasse, die Gewalt tragen, ich ist da, weil ich auch weit geschlossen, aber ich hab was in der Nacht nach, der Lux ist die Bestelle, das Boss, das ist die Lange, und die sind die Fresse, die ich hier bin. Je lui mets mon bras mais vous qui s'en oxyde et des russes bah où je le serais mal mal c'est qu'un bel réflexion n'a pas trop venu forme je bah où j'en mets des luffes mais sinon j'ai donc là ce flux qui dirige une venise qui s'affiche normal une venance chaise bref bref trop mes amis micro canon et elle pousse du fin j'ai du chiou alors bref mais fait de gens je raille donc de nage rasse la vatte nage rien d'autre nage ra qu'est-ce qui ça c'est ma trou comment c'est on va qui ça c'est au jour de le spoon vene ni sa gamme na de s'en va au on chie le cd pour des cols pour des jeux loin retardis pour le knock la mort catastrophe et me joue bah il mounira mon mes amours il se dit j'ai un fils de fils au médic lui qui dit Christine Veneau et dit veuche là au croc à lire c'est laissé et tirer dans les chats qu'on fait fait tout trac un jour au fascisme de Christ au Noron et Rautine non dit classe fils trastagisme et dur soc et où j'atterrive d'une faille dans un autre je te jette à l'occurrence qu'est-ce d'un si qu'on y boxe à si l'allier où l'on fait y avoir des feux de l'on renaît du Après où je mets ce deux tapis chats en mémoire, je mets ce numéro, je ne me mets ce four maintenant. Et revient de tel, je reste pas dans ma langue, en milieu de ce la mini-physique, la m'renue, donc je le reste. Chant moi, je sais ce nom, donc je savais, au fin, je dois ce nom, rôle à où je fais ce nom, ça traque et découvre pas mes trovas. Bref, bref, trouver fait, il me reclame, en haut, il pousse du fioma. Et où j'ai dit, où j'ai fait feu, je nagerai, donc je nagerai, ça va, je nagerai, un autre nagera, qui se dit, ça c'est ma trop grave, moi, des gens, moi, qui ça c'est aujourd'hui. Et que les sacs et de jour, c'est un haut de terre faille, en réfine, c'est un peu, je rêve, l'imbe de me gêne, c'est des rivales. Je trouve au presse de je pense à crever assez de rap qui a des données c'est à l'ombre mais c'est récif mais c'est nous c'est ça prend je me suis dans ce sang à droite non d'une paille je fais un inès il s'en fallait l'île s'en fait et vous pouvez le jeu que ma tombe et que les guinées j'ai jamais vu ma chelou c'est moi ça t'es moqué mais une ouvre et rêve son rouge en prise et le bon jour que nous s'arrête pour moi aussi mes années qui m'a ok il fait C'est gros poste, non mal ressemble, mais non moins que l'imbasse. Au dos, non mal, il se trappe et vous peut le jeu, n'a tout résumé, mais est-ce du bon mauvais jour, il se trappe, mais il s'agit de son singe, non mal, non, ça fait, je suis un peu dans ma rosse, je...